mais je restais intranquille. Je préparais une concoction d'opium que je bus aussitôt afin de soulager l'immense tristesse qui, à nouveau, sous le ciel gris de l'esprit, s'emparait de moi. Puis, je me couchai. Bientôt, je fus envahi par un rêve qui fut plus qu'un rêve. Je vis deux cercles. Plutôt, un seul cercle qui s'espire, le soleil d'en haut qui se reflète en bas. J'imaginais que ces deux soleils apparents ne faisaient qu'un, l'alliance entre deux états. Un étudiant que la chimie avait imprimé au front un lacis de rides studieux était incliné sur une table, disséquant les astres. Il prononça quelque chose comme « ba » ou « fa ». Et je me souvenais qu'en cantonais « fa » est également la prononciation d'un caractère qui signifie « s'enrichir ». L'étudiant dédoubla les astres. Palindrome, il semblait s'étendre vers l'infini dans une éternelle représentation hermétique des énergies terrestres et célestes et circulant de bas en haut, rejoignait les 88 constellations de l'univers.